Je m'appelle Awa, je suis la sœur de Babacar Gueye, qui fut assassinée par la police à Quartier Maurepas le 3 décembre 2015. Babacar, c'était mon frère. Il avait 27 ans. On vivait ensemble avec mon fils. Babacar, il était arrivé en France. C'était dur pour lui. Il a fait une longue trajet au Sénégal pour rejoindre en France. Babacar, il a marché à pied, monté des arêtes, des voitures, jusqu'en Espagne, à Malaga. Babacar, il a décidé de continuer à me rejoindre ici en France. Il est venu en France, il a fait un an avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, il est parti, c'est son ami. Il a décidé à passer la nuit, c'est son ami. Il s'est réveillé pleine nuit, il a pris un couteau table, il s'est mutilé dans le ventre. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir l'aide. C'est la police qui sont arrivés. Ils sont montés en haut. Il y a 4 polices nationales et 4 polices de la BAC. Et il y a une police de la BAC qui a tiré sur Babacar 5 balles. Après, ils ont monoté Babacar au sol pendant une heure. Et c'était trop dur pour moi, le jour-là, parce que personne ne m'a pas appelé. Jusque vers 10 heures, j'ai appris le mort de mon frère avec une de son amie qui m'a appelé. J'étais à l'école de mon fils. Moi, je ne me sentais pas bien, j'étais hospitalisée. Et à un moment, quand je suis sortie, j'ai appelé un ami à moi. J'ai dit, j'ai demandé, je suis ici à l'hôpital, il y a mon frère qui est mort et il faut que je le trouve. Est-ce que c'est lui? J'ai expliqué. Lui, elle m'a dit, je connais comment on fait renseignement à l'hôpital avant qu'on sorte. On fait renseignement à l'hôpital, on nous dirigeait vers le commissariat de Rennes et moi je ne connais pas encore en ce moment-là le commissariat de Rennes. Arrivé au commissariat, j'ai dit les policiers, je suis accompagnée avec le monsieur parce que moi je ne sais pas lire et écrire en ce moment-là, je ne parle pas comme j'ai parlé aujourd'hui. Je suis dans les cours formation pour apprendre à lire et écrire et parler français au CMPS. Mon premier mot, j'ai dit ça aux policiers et après ils ont dit non, en fait, lui il va rester attendre ici dans le hall. On était rentrés dans les bureaux. Et tout de suite, on m'a montré les photos de mon frère où il est mort. Mais ça, aujourd'hui, je sais pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça pour m'écraser, pour que je ne veux pas avoir la force. Et ce n'est pas ça qui m'empêche d'avoir la force. J'ai parlé avec les policiers, j'ai expliqué comment on est passé la journée avec mon frère et mon fils à la maison, et comment il est parti, et tout. Et j'ai posé question aux policiers. Combien de balles mon fils, mon frère, il a reçu? Combien de policiers qui sont partis là-bas? Il m'a répondu, ils sont nombreux et il a reçu 5 balles. Il y avait un policier qui énervait sur moi. Il me disait, si vous voulez, vous voulez tuer un policier, on l'a tué. Et j'étais encore sur le choc. Et après, j'ai dit, maintenant, elle est où mon frère? Parce que je voulais savoir, elle est où? On m'a dit, il faut que tu nous donnes son pièce d'identité. J'ai dit, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai pas son pièce d'identité avec moi. Ils ont fait une sorte de chantage. On m'a dit, maintenant, on va chez vous, tu nous donnes son pièce d'identité. Là, j'ai pas de choix, parce qu'il faut que je trouve mon frère. J'ai dit, oui, on y va, je vais vous donner son pièce d'identité. Arrivé chez moi, je crois que c'est juste donner les pièces d'identité. Mais c'est pas le cas. Ils sont rentrés. Ils sont sortis des gants bleus dans les poches et sont portés ça, ils sont fouillés chez moi. Et ils ont pris les papiers des médicales de Babacar. Ils ont pris ces papiers parce que Babacar, il prenait des cours français. Il parlait pas bien français comme elle est comme moi. Quand il était arrivé, on faisait sport ensemble aussi dans les mêmes clubs avec mon fils. Mon fils, il faisait des foot et moi, j'ai fait des zumba et tout ça. Babacar, il fait du foot aussi. Babacar, il fait ses activités aussi au Carrefour 18. Ils ont pris tous les dossiers là, ils sont partis encore avec moi au commissariat. J'étais une journée tellement dure avec les policiers. Parce qu'ils ont fait pression comme ça pour que moi, je avais peur. Et moi, ce n'est pas le cas parce que je connais mon frère. Je sais qui il est. J'ai confiance en moi aussi. Je sais qui je suis. C'est pour ça, quand ils ont fouillé chez moi, j'ai laissé faire. J'ai regardé. Heureusement, par contre, mon fils, il était à l'école en ce moment-là. Et après, on m'a dit, maintenant, ton frère, il est dans les morgues. C'est son Sévigné. C'est pareil, je ne connais pas en ce moment-là Cesson. Et c'est mon ami qui m'a encore accompagnée. Et eux, ils ont déjà fait l'autopsie. Je n'ai même pas au courant. Ils ont sorti le corps. Et l'autopsie, il a révélé n'y a pas de toxique sur mon frère. Et après, il y avait le consulat de Sénégal qui est venu me voir, qui me rend visite, qui m'a parlé que maintenant, comme ils ont fait autopsie, vous n'êtes pas au courant, nous on n'est pas au courant. Laisse-nous très peu de temps, on fait une enquête nous aussi avant que tu ramènes le corps. Parce qu'une fois que tu ramènes le corps, on ne peut plus rien faire. Et moi aussi je donnais eux confiance, surtout qu'ils sont déplacés pour venir me voir. Il m'a présenté le premier avocat. J'ai décidé de porter plainte avant je pars au Sénégal. Et mon retour au Sénégal, l'avocat, il n'a pas déposé les plaintes comme il fallait. Et je me suis trouvé le dossier classé sans suite par les procureurs. Et je suis décidé de porter partie civile encore. C'est là que j'ai demandé le dossier de mon frère. Et j'ai pris un deuxième avocat à Paris. C'était compliqué aussi. Je me déplaçais la dernière fois pour rien à Rennes jusqu'à là-bas. Et pourtant, il m'a fixé un rendez-vous. Elle dit qu'elle était bloquée par l'ANAESE. Et après, j'ai changé encore le troisième avocat. Et avec le troisième avocat, moi, j'ai demandé une expertise balistique qui a révélé qu'aucune balle n'a pas venu en face de mon frère. Et en plus, ils se sont dit que les armes qui sont gardées dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. C'est pas possible. Ça, je ne suis pas d'accord du tout. C'est pas vrai. Parce que s'ils ont raison, ils ont droit à garder ça comme une preuve. Mais ils savent qu'ils sont tort, c'est pour ça qu'ils sont détruits, ils sont portés ça, tu dis qu'ils sont détruits les armes. C'est pas vrai. Moi, je crois pas ça. S'ils ont raison, pourquoi les policiers qui ont assassiné mon frère, il a demandé une mutation dans une autre commune où il habite. Il doit continuer à rester ici, à travailler, mais ils savent qu'il a tort d'assassiner un innocent. Un homme comme tout le monde, qui est venu ici juste pour soutenir sa famille, pour me joindre, pour travailler comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé encore à changer un autre avocat. Parce que j'ai le droit de changer un avocat qui me convient, qui travaille avec moi dans les dossiers ensemble, même si je ne sais pas lire et écrire. Je sais à quoi je parle. Tout qui est écrit, c'est moi, Awa, qui demande. Écris-moi ça, écris-moi ça. Je ne suis pas bête. Je suis avec ma tête. Moi, je veux travailler dans le dossier de mon frère. Continuer à savoir la vérité. Aujourd'hui, j'ai demandé une réquisition des faits et je veux cette réquisition. Tous les policiers qui sont là le jour-là, ils ont droit d'être là. Et les pompiers et les amis et son ami, ce qui est normal. Et j'attends les dates. Le jour de réquisition là, et je veux que vous êtes venus en nombreuses pour mon soutien, parce que c'est un combat de moi, mais ce combat de vous, c'est votre combat aussi. Parce que ce qui m'est arrivé, j'ai jamais pensé qu'il m'arrive aujourd'hui. Regardez les autres familles, aujourd'hui c'est moi. Demain ça peut être vous. C'est pour ça que j'ai décidé à continuer mon combat, à lutter pour mon frère, mais aussi pour les autres familles victimes. Et pour les autres qui sont là aussi, et pour nos enfants d'aimer, et pour nos enfants qui sont là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal. Si à chaque fois des familles reçoivent le non-lieu, les dossiers classés, il y a un problème par l'État. Là, il y a un problème. Et c'est pour ça, encore, je suis là aujourd'hui pour inviter à tout le monde, pour rendre hommage à mon frère, Je peux dire aussi mon fils, parce que Babacar, c'est comme mon fils aîné. Ma famille aussi, ils sont tristes, parce qu'ils sont perdus à un homme qui portait soutien tout le temps la famille. Parce que Babacar, même au Sénégal, il travaille, il fait médecin ambulance sur les routes. Il arrive à Malaga, pareil, il s'est arrêté à Malaga, il fait médecin ambulance aussi. Il est arrivé à Rennes. Je l'ai accompagné à Simad. J'ai même de l'accompagner à Emmaüs à aider parce qu'ils veulent travailler, ils voulaient avoir les papiers comme tout le monde. Mais c'était compliqué pour moi et lui. Aujourd'hui, les policiers, on m'a arraché comme un chien. Même un chien, si on l'a tué, on va ouvrir une enquête pour savoir pourquoi on l'a tué, cette personne. Mais ils ont décidé de tuer Babacar parce qu'elle est noire. Quand les policiers sont arrivés, si Babacar elle est blanche, on va le maîtriser. Parce que 8 policiers, tu peux maîtriser une personne qui fait mutiler à lui-même. Si Babacar elle est blanche, on va le maîtriser, on va le ramener à l'hôpital. Ils ont ouvert une enquête pour savoir pourquoi cette personne il fait du mal à lui. Mais ça, ils s'en foutent. Ils sont venus en mode de guerre pour le tuer. Ils ont décidé de tuer mon frère. Ils ont décidé de l'assassiner. À cette manière dégueulasse. Aujourd'hui, les policiers, ils ne sont pas là pour nous protéger. Ils sont là pour nous tuer. Nous, les Noirs, les Arabes, les hommes, les Roms. Chaque fois, ça nous arrive comme ça. La plupart, on nous tue comme des mouches. On ne nous considère pas. Et nous, on vient ici pour mener notre vie. On n'est pas venu ici pour qu'on nous tue comme les mouches. Nous, entre nous, les peuples français, on est des frères et sœurs. Regarde qu'est-ce qui arrive les gilets jaunes aujourd'hui. Ils sont matraqués, gazés, flashball. C'est pour ça qu'on doit continuer combat ensemble, de se battre ensemble, parce que c'est nous qui payons l'État, c'est pas l'État qui nous paye. Si les policiers ne nous protègent pas, on n'a plus besoin des policiers. Et tu voudrais qu'on vous imite? Population docile, soumission sans limite. Combien d'entre vous pensent servir la République? La même qui a pillé l'Afrique. Censez la faire appliquer, mais vous savez vous arranger pour qu'elle s'adapte et reste à votre côté. La loi, ce truc pour ceux qui n'ont pas de principe. Les flics n'en ont pas, ils n'ont que l'autorité par la force. C'est là que ça se corse. On sait que tu comprends pas, mais on t'expliquera le coup de force. La vague n'est bonne qu'à piquer le fric et le shit des gosses. Pour caser du civil avec leur propre fric. La manip est subtile au service des plus grands mafieux pour quelques miettes de pain. C'est aussi pour tes gosses, on a des caillasses dans les mains. Soutien à tous ceux qui n'en feront pas de cadeaux, qui ne laisseront pas faire leur sale boulot. Donc je tiens à préciser avant de commencer que Bilal était invalide à 79%, il était bipolaire. Bipolaire ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est, il n'y a pas de violence, c'est qu'il est retourné à l'enfance. Il était désorienté dès qu'il avait une crise et il se réfugiait beaucoup sur la prière. Il priait pour demander à Dieu, pour le guérir. Donc il a voulu nous prouver, malgré qu'on était en refus des parents, de partir deux jours en vacances à Marseille. On habite Vienne, donc 350 km. Donc on était contre, son père et moi. Et finalement, il y allait quand même. Il nous a averti qu'on pourrait être bien arrivé, qu'il avait loué une chambre d'hôtel qu'il avait payé à l'avance deux jours, tellement qu'il était de bonne foi. Mais il a fallu qu'il tombe, quoi qu'il fasse sa prière, à voix haute dans l'hôtel. De là, on a appelé la police. La police l'a pris pour apologie du terrorisme. J'ai eu une perquisition à la maison pour savoir s'il y avait des armes, s'il faisait pas partie d'un groupe islamiste, mais il n'y avait rien de tout ça. Il a été jeté en prison, on ne savait pas. On ne nous a rien dit. Il a fait 72 heures de garde à vue où il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et on l'a jeté en prison à 11 heures du soir. Pour quel motif, on ne sait pas. Parce que l'apologie du terrorisme n'a pas été retenue, puisque ce n'était pas prouvé et qu'il n'y avait rien en fait. Et du coup, j'ai su que mon fils était en prison, en fait. Donc il est mort le 10 août 2017. Et le 11 août, au matin, à 4h du matin, j'ai eu 4 policiers de Vienne qui sont venus m'avertir du décès de mon fils. Pourquoi il était mort, ça je ne savais pas. Où il était mort, ça je ne savais pas. On m'a juste dit qu'il était mort. Et que si je voulais plus d'informations, il fallait que j'appelle le parquet de Marseille. Chose que j'ai fait, mais personne ne me répondait. On m'envoyait de bureau en bureau, de commissariat en commissariat. Et donc, je n'ai jamais su quoi. Si, bah, maintenant, je sais où il est mort. Donc, du coup, eh ben, en fait, il a passé 18 heures en prison et ils l'ont retrouvé, soi-disant, qui s'est suicidé en prison. Donc j'ai mis, en fait ça a été classé sans suite, je me suis considérée partie civile et du coup eh ben, ils ne voulaient pas me donner le corps de mon fils. Donc au bout d'un mois ils me l'ont rendu, je l'ai enterré la veille de son anniversaire. Et du coup eh ben, là maintenant donc, on a donc deux matons, un qui est amnésique, qui est devenu amnésique et une autre qui est... qui se contredit sur l'effet de la mort de mon fils. Et du coup, on a eu la pression. Donc j'ai eu mon ex-mari qui a fini en prison, donc 18 mois, et quoi, il a pris 10 mois de prison. J'ai mon fils qui est en prison. Moi j'ai été en garde à vue, où j'ai eu un rappel à la loi pour des insultes soi-disant aux policiers que j'ai jamais insultés. Ils auraient pu choisir leurs mots, des mots que j'aurais jamais dit. Et donc maintenant, la chose que j'ai à dire, c'est qu'on est des citoyens comme tout le monde, malgré notre couleur de peau ou malgré notre religion, on a droit aux lois comme tout citoyen. Et que si les procureurs ou les policiers sont de bonne foi et qu'ils font bien leur boulot, qu'ils appliquent la loi comme elle l'est dans le code pénal, on a droit à des lois. Donc moi, la chose que j'ai à dire, c'est appliquer la loi comme tout citoyen, comme tout meurtrier doit être jugé. qu'il soit policier ou pas policier, ou fils de policier ou pas fils de policier, ça reste un meurtrier, ça reste un... Je veux que les lois soient appliquées à tout citoyen, en fait. Et comme disait Sarkozy, nettoyer les quartiers au Karcher, pourquoi pas des commissariats? Pourquoi pas des commissariats ou des gendarmeries? Pourquoi pas? Pourquoi des quartiers? Il y a que des délinquants dans les quartiers et des délinquants partout. Donc moi, je demande à ce que la loi soit appliquée à toutes les familles de victimes et qu'on puisse avoir notre justice. Ça ne nous les rendra pas, mais que la justice soit appliquée à juste valeur. Pour réclamer justice pour mon cher neveu Alan, qui nous a été enlevé suite à une interpellation très musclée à Dinard, puis une mise en garde à vie, puisqu'il n'est jamais ressorti vivant du commissariat de Saint-Malo. Alors je vais vous parler d'Alan. Alan, c'était un jeune homme plein de vie, fils unique d'une famille à trois très fusionnelle, une vie heureuse. Ce petit bonhomme a perdu sa maman il y a 3 ans, donc beaucoup de difficultés à se reconstruire. Mais Il y arrivait. Alan et son papa étaient devenus vraiment très très très proches et vivaient beaucoup de choses ensemble et ils se soutenaient mutuellement. Et là, on y arrivait. Et ce 9 février dernier, mon frère qui faisait des tournois de billard régulièrement, accompagné de son fils, sont allés à Dinard pour une journée banale de n'importe quelle famille, une activité en famille entre un père et un fils unis. Bien sûr, forcément, quelques bières, mais rien de dramatique et absolument pas une mise en cause d'un décès. Une petite route de campagne où ils se sont retrouvés. Alan a voulu tourner une route. La route était très, très boueuse par des trombes d'eau. Donc en fait, il a raté l'entrée de son camping. Donc il a fait un demi-tour et la voiture s'est embourbée, enfin a glissé un petit peu sur le bas-côté et a glissé dans le fossé. Donc c'est vrai que contrairement à ce qui a été mis sur des journaux en parlant d'accident, c'est un incident puisque en fait la voiture a juste basculé et glissé un petit peu, donc les airbags ne se sont même pas déclenchés, il n'y a pas eu de blessé, rien du tout, puisque Alan est sorti de la voiture tout seul sans problème et son papa qui était à côté de lui s'apprêtait à sortir aussi. Sauf que il y a des gens qui ont appelé les pompiers et la police. La police est intervenue de façon très musclée, arrogante. Et il fallait s'en prendre à quelqu'un, malgré qu'il y ait quand même 5 témoins sur place, des amis d'Alan et de son papa, qui ont tout vu. Donc après une interpellation musclée où les policiers se sont jetés sur mon neveu, bon, il y a eu des cris, Alan a crié, malgré ses pareils, ce que West France ont bien mis en gras le lendemain de l'affaire, c'est-à-dire le 12 février, qu'aucune violence policière n'était signalé, sauf que ça c'était leur avis seul, puisque en fait c'est pas du tout notre version à nous. Donc voilà, donc Alan a crié plusieurs fois, les témoins étaient là, le papa l'a entendu et Alan s'est relevé suite à ça, mais tout aurait très bien pu se passer si c'était pas jeté dessus par terre, voilà, le genou aussi sur le thorax. Hein, tout ça, il y a des preuves, il y a des témoins, tout ça. Alan, ils l'ont emmené dans la voiture de police après. Il était anormalement calme pour quelqu'un qui le connaît. Il n'a pas pris son portable, il avait le regard hagard. C'est pas normal de sa part, surtout laisser son portable. Les jeunes maintenant, si tout le monde en a, vous savez très bien qu'on ne se passe plus de notre portable. Il est tout le temps dans la poche, donc c'est pas normal. Il est allé donc au commissariat sans broncher dans la voiture avec les policiers qui ont envoyé une patrouille environ une heure après. Cherchez mon frère, qui était entre guillemets un petit peu plus alcoolisé. Rien de bien grave non plus, mais un peu plus alcoolisé. Donc pourquoi ils se sont pris à mon neveu, pas son père ? Facile sans doute, je ne sais pas. Donc voilà, ils sont revenus chercher mon frère. Je pense qu'il y avait... possibilité peut-être de s'arrondir les fins de mois en portant plainte, c'est possible aussi. Et donc ils ont emmené également donc mon frère au commissariat de police en garde à vue également. Il les a accompagnés sans problème, ça dit, c'est vrai que c'est les policiers municipaux qui sont venus et ça a été très cordial. Ça s'est passé autrement en arrivant dans le commissariat. Beaucoup plus, violence verbale, pas du tout le même accueil. Mon frère a voulu voir mon neveu. On lui a refusé. Et donc, en fait, mon frère, c'est la dernière fois qu'il a vu son fils. C'était dans les bois, puisque, en fait, mon frère, en garde à vue, a vu que ça bougeait à un moment donné. Personne ne lui a rien dit, sauf le lendemain, à 10h, on lui apprenait que son fils était décédé et qu'il était déjà parti en autopsie à Rennes. Il y a des caméras de vidéo dont l'avocat et nous, on n'a pas encore pu récupérer, qui ont été visionnées, qui ne concordent pas avec les dires des policiers. Il y a plein de manquements qui sont preuves à l'appui, on les a. Et voilà, notre instruction est toujours en cours, mais ça traîne, je pense que ça dérange. Et nous, c'est insupportable parce qu'ils ont brisé un père, ils ont brisé une famille complète. Eux, il n'y a pas eu de mise en examen, ils continuent à travailler avec leurs enfants, ils vont passer Noël en famille. Nous, on est une famille détruite, c'est insupportable. Et nous, on réclame justice pour Alan, parce que là, il y a eu des manquements, il y a eu de l'agression. On ne voulait pas non plus, comme vous, entendre les témoins. Ils ont été entendus. Je reviens un petit peu dans ce que dit Aoua par rapport aux gilets jaunes. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus que les Noirs, les Arabes, tout ça. Maintenant, c'est tout le monde. La police est soutenue. Et maintenant, on peut faire n'importe quoi. Alors nous, on avait vraiment confiance en l'IGPN, puisqu'on se disait, c'est vrai que normalement, c'est des gens qui ne sont pas corrompus et qui sont là pour faire avancer, pour rendre justice. Sauf que ben, quand vous avez des personnes de l'IGPN qui vous disent que les médecins du SAMU, ce ne sont pas des dieux, que les gendarmes feraient mieux d'arrêter de boire, ben, écoutez, ça pose question. Hein. En fait, quand vous entendez des choses comme ça, on a des doutes sur l'impartialité. Donc, moi, il y a plein de choses. Nous, on n'est pas là pour casser du flic, mais on est là pour... La police est là pour faire régner l'ordre et pas pour détruire les gens, ni pour les agresser. On peut maîtriser quelqu'un sans taper dessus. Sans taper dessus. Et je suis désolée, leur rôle, il est là. Alors, s'ils ne sont pas assez formés, il faut aller se former. C'est tout. Voilà. Il y a beaucoup de flou dans ce dossier et qui est toujours en instruction. Mais il faut que ça s'entende et il faut que ça bouge parce que là ça traîne et je pense que c'est volontaire. Donc je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que si notre gouvernement ne se rend pas compte que c'est en défendant l'indéfendable et qu'on sème la haine, ben, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que la justice elle doit être la même pour tous, pour la population mais aussi pour eux et pour les forces de l'ordre. Plus vous défendez quelque chose qui n'est pas défendable, et plus vous semez la haine et la colère. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans la société. Le système actuel d'enquête sur les plaintes contre la police favorise les policiers. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire. Justice n'est plaire, police n'est plaire, justice n'est plaire, police n'est plaire, justice n'est plaire. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Même Schreiben aux ABND. Fait plaire au Vaillant la vue et à car justice sommet au dalle ou en rêvant qu'en arbitre il n'y a que foutre dans l'arrêt. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Police n'est plaire, justice n'est plaire. Trahoir, chasse les narvaux. Trahoir, squeeze on tant d'autres. Trahoir, chasse les narvaux. Trahoir, squeeze on tant d'autres. Trahoir, chasse les narvaux. Trahoir, squeeze on tant d'autres. Effectivement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les, mais aussi d'un réseau qui s'appelle l'Assemblée des Blessés. On s'est constitué entre 2012 et 2014 à partir de constats, c'est que la police utilisait de plus en plus des armes inutiles. Beaucoup de collectifs comme les nôtres essayent d'attirer l'attention depuis plus de 20 ans sur l'aspect, ce qu'on a évoqué là, sur l'aspect systémique du racisme dans la police. Et aussi de l'aspect systémique des violences exercées par les forces de l'ordre. Mais jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, il y avait quelque chose qu'on arrivait mal à dépasser, c'est que nos blessés, mais aussi les personnes assassinées par la police, semblaient être vus par l'opinion comme des délinquants, systématiquement, et qui, quelque part, avaient un peu mérité leur blessure ou la mort, et parce que trop arabes, trop noirs, trop casseurs ou trop hooligans, enfin, il y avait toujours une raison qui justifiait quelque part qu'on assassine des personnes ou qu'on les mutile. La police, elle a un permis de tuer aujourd'hui, très clairement. Elle a un permis de mutiler de plus en plus dans les manifestations, et pas seulement dans les manifestations. Ce qu'on essaie de rappeler, c'est que la police mutile aussi dans les quartiers populaires et en marge des matchs de foot. On a beaucoup de personnes qui ont été mutilées au cours des 20 dernières années. Ça représente 36 à 63 personnes, ce qui est 36 avant 2019. On est passé à 63 personnes qui ont perdu un œil à cause de balles de caoutchouc, de projectiles de caoutchouc, parce qu'il y a aussi des grenades. Et on est passé de 4 à 9 personnes qui ont perdu une main à cause de grenades. Par ailleurs, le nombre de personnes tuées par an a aussi augmenté exponentiellement. On est passé aujourd'hui à 15 personnes tuées par la police en moyenne par an. Donc il y a effectivement un vrai permis de tuer. Ce qui a changé aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un lanceur de balles de défense. Alors qu'il y a encore 2 ans, on devait expliquer ce que c'était un lanceur de balles de défense, et des grenades de désencerclement aussi. Et ce qui a changé aussi, c'est que les gens commencent à s'intéresser à la question des violences d'État, et au fait qu'on tue aussi dans les quartiers. Et ça, c'est nous, c'est ce qu'on essaye de faire savoir, c'est qu'il y a une épuration sociale qui est à l'œuvre dans les quartiers populaires, depuis plus de 20 ans, c'est pas un phénomène nouveau, simplement aujourd'hui on peut mettre en lumière cette réalité-là. Il y a aussi un changement dans les techniques de police qui est plus visible aujourd'hui, qui est à l'œuvre dans les quartiers populaires, mais qui est plus visible aujourd'hui parce que c'est à l'œuvre aussi dans les manifestations, c'est de déployer des brigades qui sont beaucoup plus agressives. On avait la BAC dans les quartiers depuis les années 70 et à partir surtout des années 90. Aujourd'hui, on a des brigades comme la brigade de la BST, qui est connue pour ses violences dans plusieurs quartiers, et des policiers de la BST sont poursuivis en justice régulièrement, très faiblement, voire pas du tout condamnés, ce qui est d'ailleurs le cas de tous. Quasiment tous les policiers qui sont poursuivis dans les affaires dont vous avez pu entendre parler ici, mais dans toutes les affaires qu'on suit, c'est des dizaines d'affaires, voire des centaines d'affaires. Aujourd'hui, avec les personnes blessées en manifestation, on va atteindre des milliers d'affaires dans lesquelles les policiers ne sont jamais condamnés. Donc nous, on tire plusieurs constats que je vais essayer de vous lister ici. Le premier, c'est que les forces de l'ordre, elles se militarisent depuis 20 ans de manière exponentielle. Elles ont de plus en plus d'armes, elles sont de plus en plus violentes. Et du coup, elle tue et mutile de manière exponentielle aussi. Et à côté de ça, il n'y a aucune institution, et je dis bien aucune, que ce soit l'inspection générale de la police ou de la gendarmerie nationale, les parquets judiciaires ou même le défenseur des droits, aucune de ces institutions ne combattent cette impunité-là, dont bénéficient les policiers et qui les confortent dans l'idée qu'on peut mutiler et tuer des personnes aujourd'hui sans être poursuivi, sans être condamné. Et pire encore, en fait, ces institutions, elles confortent l'impunité. C'est-à-dire qu'elles participent à l'impunité. Comme ton témoignage a pu le dire, quand on arrive en justice, le juge est parti. Le juge est parti et a déjà condamné la victime. Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle fait partie de la communauté des gens du voyage, ou parce qu'en manifestation, on estime a priori que c'est un casseur, qu'elle n'avait pas raison d'être là, etc. On trouve 1000 justifications au fait de ne pas avoir à être présent en manifestation. Et dans les faits, les policiers bénéficient systématiquement de la présomption de légitime défense. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour lequel les syndicats de police se battent depuis des années. Ils veulent cette présomption de légitime défense, qui n'existe pas en droit actuellement. Le droit ne permet pas d'estimer qu'il y a une présomption de légitime défense. Ils veulent atteindre ça parce que, tout simplement, ça leur permet de tuer avec l'idée qu'ils ont eu raison de le faire parce qu'ils étaient soi-disant en danger. Et ça, c'est le permis de tuer dont on parle. D'autres constats, les personnes touchées directement ou indirectement par les violences d'État font régulièrement l'objet d'intimidations non officielles de la part des forces de l'ordre, t'en as parlé aussi, des intimidations, on a beaucoup de familles qui font l'objet de pressions par des polices locales qui les connaissent, qui les identifient, qui souvent les appellent par leur prénom, qui connaissent les familles, qui identifient les familles de victimes et leur mettent la pression. On a vu dans les marches de manifestation qu'aujourd'hui, les policiers, quand ils reconnaissent une de leurs victimes qui a perdu un œil, elles se moquent d'elles, ouvertement, publiquement, en se cachant les yeux ou en faisant des blagues. Donc ça, ça participe en fait d'un climat où la police en fait est devenue un gang armé qui est employé par l'État pour réprimer et s'en prendre à toutes les personnes qui sont dérangeantes, soit par leur origine sociale, soit par leurs idées politiques. Il y a aussi quelque chose qui est très très grave depuis quelques mois, c'est les discours médiatiques, les discours politiques, des responsables politiques et médiatiques qui en fait font preuve de toujours plus de cynisme, de méchanceté, de haine, de mépris de classe. Le président est le premier, Macron est le premier à faire preuve de mépris de classe, à se moquer, on se moque des gilets jaunes, on se moque des pauvres, on se moque des étrangers. Et le racisme va avec, évidemment. Donc on nie les violences subies. C'est-à-dire que là, on a des choses qui ont été très évidentes au cours des derniers mois. Des gens perdent des yeux, des gens sont tués. Tout le monde, c'est évident, il y a même de plus en plus de vidéos, y compris dans les histoires de meurtres policiers, même si c'est plus rare dans les quartiers qu'on ait des vidéos qui montrent ces affaires-là. On a des preuves, on a des dossiers de justice aussi, dans lesquels il y a des éléments de preuve. Et ça, ils sont niés, ils sont effacés d'un revers de main. Et donc les gens aujourd'hui meurent, et on trouve ça normal. Et donc on ajoute au traumatisme l'humiliation. Aujourd'hui, on a des familles qui se sentent humiliées par ces discours publics de haine. Et qu'est-ce que ça produit? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça produit toujours plus de colère. Et aussi quelque chose qu'on va connaître de plus en plus, c'est le désir de vengeance. C'est-à-dire que les familles vont vouloir se venger. Et il y a déjà eu des cas. Il y a déjà eu un cas d'un père, d'une personne qui a perdu un œil dans le sud de la France, qui s'en est pris aux policiers parce qu'elle savait très bien que la justice ne lui rendrait jamais raison. Et donc les gens vont commencer à se venger. Et quelque part, c'est un juste retour des choses qui va se produire. Ensuite, il y a aussi des choses que nous, on constate au niveau des personnes blessées. C'est que l'administration, les organismes d'indemnisation des victimes et les assurances refusent d'indemniser les victimes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui non seulement vivent un traumatisme, des blessures graves qui impactent durement sur leur vie, et les assurances refusent de les couvrir. Et là, je parle spécifiquement des personnes qui sont blessées, en manifestation notamment, et qui, pour la plupart, ont un statut d'handicapé et doivent être reconnus comme handicapés. Donc je vais finir sur quelques constats qui sont très très graves pour nous. C'est que l'État est en train de générer ce qu'on peut appeler une guerre civile, parce que au nom de plein de raisons d'État, du capitalisme, d'un système économique qu'il faut absolument défendre becs et ongles, et pour entretenir aussi un commerce des armes. Dans la plupart des cas, des personnes sont tuées par des armes, mais pas seulement. La première arme du policier, et qui est la plus mortelle, c'est sa main. Et ça, je tiens à le rappeler, c'est que les techniques d'immobilisation utilisées par la police sont mortelles et tuent dans beaucoup des cas qu'on connaît. Et c'est les mêmes techniques d'interpellation qu'en manif, sauf que quand les policiers ont sous la main des Noirs et des Arabes, ils connaissent plus de limites. C'est-à-dire que la technique d'immobilisation va aller jusqu'à l'étouffement total de la personne, jusqu'à ce qu'elle décède. La seule différence qu'il peut y avoir entre le traitement des personnes étrangères et les personnes blanches dans les cas d'interpellation, c'est que le policier se limite quand il a un blanc sous les mains. Mais quand il a des Noirs et des Arabes, il va jusqu'à les étouffer, parfois avec 5 personnes sur le corps qui vont juste aller jusqu'à ce que la personne étouffe. Et donc évidemment, il y a des constats très politiques que nous, on a dans notre collectif, qui ne sont pas forcément partagés par des familles, mais qu'on tient à dire, c'est que pour nous, l'État est responsable. Il est le principal responsable. Il a pour vocation d'assurer l'exploitation de la population. En ce moment, il est en train de devenir gravement totalitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce. Les forces de l'ordre sont une institution qui n'a pas pour autre vocation, à nos yeux, que de protéger un ordre établi, qui aujourd'hui est complètement déviant, et par extension, le système économique. C'est-à-dire que la police est là pour protéger un système économique et toutes les personnes qui peuvent considérer une gêne ou une gêne à ce pouvoir en place vont être traitées comme des délinquants, enfin comme des personnes qu'on peut éliminer. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui des représentations politiques qui ne représentent plus personne, si tant est qu'elles ont représenté quelqu'un un jour, et qui se complaisent dans le mépris de classe, des déclarations publiques qui sont juste innommables et se permettent de salir les victimes. Et elles sont à l'image d'une société qui est complètement mortifère, mégalomane, individualiste, et qu'il faut absolument qu'on change. Par conséquent, nous, à l'Assemblée des Blessés et à Désarmons-les, on a un discours très radical. parce qu'on veut soutenir les familles autant qu'on peut, en ne maintenant pas une illusion qui est celle qu'on obtiendra justice par les voies légales, même s'il faut le faire, c'est un combat qu'on fait. On accompagne les victimes autant qu'on peut et les familles dans un combat judiciaire qui permet d'avoir des réponses. Les réponses, c'est la première moyen de guérir un peu le traumatisme vécu, quand on sait ce qui s'est passé. Les dossiers judiciaires permettent de savoir ce qui s'est passé, et ça c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on continuera d'aller en justice. Pas pour faire condamner les policiers parce qu'on sait que ça n'existe pas, que ça n'arrive pas, mais parce que les dossiers judiciaires nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Et quand on sait ce qui s'est passé, on peut dans des moments comme celui-là, comme aujourd'hui, on peut le mettre à la face du monde et dire « Voilà, mon fils a été étranglé, mon fils a été tabassé à mort, mon fils a été flashballé en plein visage, mon fils a été tué par la police, en connaissance de cause, par des policiers qui n'ont plus de limites. » Et on peut le dire parce qu'on a des éléments probants dans les dossiers qui permettent de le faire. Aujourd'hui, on va aller vers ça, on va essayer de constituer le plus possible, avec les collectifs et les familles qui le voudront, on va essayer de constituer un comité d'expertise indépendant, d'enquête indépendante, qui va nous permettre, à l'avenir, de se passer de l'inspection générale de la police nationale, qui est vendue, qui enterre les dossiers, qui est là pour enterrer les dossiers. Et il faut absolument qu'on constitue, nous, un pôle qui permet d'enquêter nous-mêmes et d'accéder aux scènes de crime, nous-mêmes, en enlevant les cordons de police, pour que nous, on puisse enquêter sur les scènes de crime. Et ça, c'est un enjeu majeur et politique qu'il faut qu'on mène avec les familles, avec leur soutien aujourd'hui. Voilà, le seul constat, et que je vais finir là-dessus, c'est que nous, on ne demande plus rien à l'État. On est quelque part dans une situation où on considère qu'on va arracher par la force ce qui nous est, ce qui nous revient de droit, en fait. C'est-à-dire la vérité sur, sur l'affaire des morts des nôtres et des blessures des nôtres. Donc nous, aujourd'hui, je peux le dire assez clairement, on n'est pas en attente d'une réponse du gouvernement. On est plutôt dans une situation où on se considère comme en guerre avec eux. Parce qu'en fait, on a vu qu'en face de nous, on a des forces de l'ordre qui vivent dans une impunité totale et qui se permettent d'être de plus en plus violentes. Et on en a marre, en fait, que des gens proches de nous se fasse tuer et mutiler par des armes de police. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais.